page 14, activité 18. Observez les phrases du langage de classe, puis écoutez l'enregistrement et dites dans quel ordre vous entendez ces 10 phrases.